La route me tend les bras, moi je dois partir. Tu ne veux pas me voir fuir, te fuir comme la peste. Ah, tu pleures? Alors je reste. Tu nous vois déjà mariés plus tard comme des bourgeois. Mais moi, j'ai d'autres joies. Alors, je proteste. Ah, tu pleures? Alors je reste. Pardonne-moi, petite, je faisais semblant de partir en te laissant. Je voulais faire un test. Ah, tu pleures? Alors je reste. Tu me dis, souviens-toi du vieil ascenseur. Là où tu as pris mon cœur, tu avais la main leste. Ah, tu pleures? Alors je reste. Nous resterons tous deux, toi et moi, moi et toi, tout l'hiver sous les draps. Je n'ai plus de doute. Maintenant, en toi, je crois. Ah, tu pleures? Alors je reste.